J'ai faim de tout, j'ai faim de toi. De tes lèvres gourmandes, je ferai mes repas. Et de ta peau sucrée, je ferai mes desserts. Très longtemps affamé, j'ai franchi le désert, n'ayant pour tout repas que quelques sauterelles. Il m'a fallu marcher, avancer vers la mer, avant d'apercevoir le bout de mon tunnel. Il ne me restait plus que la peau sur les os. L'estomac rétréci n'acceptait que de l'eau. Et le sang appauvri, par tant de sécheresse, avait gelé mon cœur, submergé de détresse. J'ai d'abord hésité en voyant ton visage. Et mon esprit troublé, par tant de privations de la réalité, n'ayant plus la notion, se croyait en présence du plus beau des mirages. Hôte de l'oasis, j'ai retrouvé ma place. Les mains chargées de fruits, je mange et me prélasse. La tente du bédouin dans sa sobriété jamais n'égalera le plus beau des palaces. J'ai faim de tout, j'ai faim de toi, de tes lèvres gourmandes, je ferai mes repas, et de ta peau sucrée, je ferai mes desserts.